Ali Touré, Kennedy, flashback, cicatrice. Nous sommes en juillet, année 2001. Je viens d'avoir mon bac éco avec mention bien. Maman a pleuré, toi, pour la première fois. J'ai accompli quelque chose qui la rend fière de moi. Sous un soleil de plomb, je passe l'été à Villeneuve avec mes potes. J'irai à la fac au mois d'octobre. Mon cerveau cogite, car il faut du fric. Et que j'ai pas les couilles d'aller taffer au quick. J'ai un pote, un grossiste, il crèche à Orly. Il a toujours du bon shit, il m'avance à l'eau qui j'ai. Monté mon chantier à Villeneuve Gare. Je distribue avec Calix et Faz. Les clients viennent de la zone pavillonnaire. Ils me ramènent 3 5000 francs chaque semaine. J'en suis pas fier, mais au moins ça me permet d'acheter jean, basket, portable, petit recuit. Frais, en mode beau gosse pépère. Mon premier jour à la fac de Créteil, ça m'a choqué en arrivant là-bas. Y'avait tellement d'élèves, si peu de blagues. J'ai une soif de connaissances énorme. Tout savoir sur le monde, comment il fonctionne. J'fais de l'économie, du droit, de la sociologie. Tout ce que doit connaître un futur chef d'entreprise. Y'a des chinois, des blancs, des arabes, des juifs. Pour m'intégrer j'ai dû m'ouvrir l'esprit. En plus de ça les meufs sont tellement bonnes. J'suis content d'être encore à l'école. Mais j'ai une chance sur 1 million d'avoir ma maîtrise. Moi je révise entre 2 perquises. Entre 2 bagarres, entre 2 gardaves. Entre 2 freestyle, entre 2 concerts avec Diams. Quand ça chauffe au quartier, je dors chez elle à Orsay. Elle dort à Villeneuve quand c'est chaud avec son mec. On déconne plusieurs fois par jour, on s'appelle. Souvent ensemble, tout le monde croit que je sors avec elle. 2002, je perds 2 potes. Un dans une embrouille de cité, l'autre dans une affaire de drogue. Je suis en batterie. Je passe l'été au Cameroun, histoire de recharger les batteries. Voir la famille au pays, ça fait chaud au cœur. Mais quand je vois la thermie, ça fait mal au cœur. Là-bas, les gens crèvent trop cher les antibiotiques. Ici, les gens se plaignent en faisant les boutiques. 2003, je suis au quartier, y'a rien à faire. Ça pique grave, ça pédave, ça galère. Entre Paul Bert et la gare, c'est le temps des braquages. Sans bailler au quart plat, on se voit au parloir. À cette heure-ci, le rap, je m'en fiche. Je tourne en 206, évitant la 306. Je suis dans la vente, je fais de l'argent. Dur et ma bande, et le Glock est dans ma boîte à gants. Je suis un produit de mon environnement. Demande à Alpha, demande à Teddy, demande à Sekou. Demande à Vaudou, demande à Yeezy, demande à Kerry. Ma vie se base de commentaires. Ma mère craint pour son fils qu'on l'enferme, qu'on l'enterre. 2004 est subliminal. J'ai failli mourir 2 fois. La première en voiture, l'autre dans une fusillade. Un grand moment de bonheur, je pars au Sénégal. Pour le mariage de mon frère, toute la famille est hâle. Genoux à terre, j'ai pleuré. À chaudes larmes dans la maison des esclaves sur l'île de Corée. Pourquoi les hommes sont si cruels? Mon peuple est victime de la bêtise humaine. Si le requin blanc pense que je suis noir, donc je suis con. Alors réussir est ma seule option. Je mets ma rage dans la zig, kick avec cynique. L'underground est en état de mort clinique. Bastonné sur les émissions spé. Quad 9 et Hollywood tournent à mort dans le hood. J'ai le stress d'un dealer. Je dors souvent chez ma meuf en cas de perquise à 6h. Et quand mes freestyles font trembler tes enceintes, je suis loin du studio, ma meuf est enceinte. Je peux plus risquer d'aller au ballon. À peine 22 ans et je vais être daron. Imagine la pression, pas de situation. Je lis le Coran, cherche les réponses à mes questions. Pour le mal que j'ai fait, je demande pardon. Mashallah, c'est un beau garçon. 12 janvier 2005, on est 3. Ma belle, moi et le petit Noah. Il est si beau. Il est si petit, il me procure un bonheur indescriptible. Il a les yeux qui brillent, il est magique. Je trouve enfin la paix et un sens à ma vie. Grâce à lui j'ai arrêté de dealer. Et je deviens animateur en MJC. Il me reste quelques liasses, j'investis dans le rap. Retourne en studio et enregistre flashback. Succès d'estime, je mets tout le monde d'accord. Premier street CD à rentrer dans le top album. L'industrie veut savoir qui c'est, ce négro stylé. Plus d'un label me contacte pour me signer. Puis un jour mon téléphone sonne en privé. Ouais c'est Booba, je fais mon album, tu viens kicker. Tu connais la suite, je me souviens classique. Gros buzz dans la street, lyrical ragra. Avant tout le monde m'appelait Ali, maintenant c'est Kennedy Zama. Bref, je le sais, je fais mal. J'ai vu des refrains devenir des deux traits, c'est naze. Je suis pas fait pour une vie de bureau. Mes ennemis et mes amis se confondent comme des jumeaux. J'ai craché sur plus d'un label avant de rentrer à Barclay, m'asseoir dans le bureau d'Olivier Kaya. On est en 2006, je rentre en studio. Je prépare un gros missile, ouais, un bête d'homicide. Un cocktail de mon vécu et de mes blessures. En gros, je kick ma vie et ouais, je laisse des cicatrices.